Bienvenue à Méloman, une émission pour les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Écoutez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais la musique, j'en mange. J'en mange tellement que ça me prend le buffet à volonté pour goûter un peu à tout. Et je pense que vous allez en avoir pour votre faim, Méloman, parce qu'on va se concentrer sur trois des décennies les plus riches musicalement. Les années 50, 60 et 70. Imaginez, les années 50 à 70. Je pense que moi-même, je réalise pas toute la richesse que ça représente. En plus, on va y aller d'un large éventail de styles différents, tout en prenant soin de déterrer des petits trésors enfouis profondément dans votre mémoire. Donc, sans plus tarder, on y va avec un classique du doo-wop de 1962, Gene Chandler et Duke of Earl. Duke, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke. Through this world, nothing can stop the Duke of Earl. And you are my girl, and no one can hurt you. Oh no, yes I Duchess of Earl. May I walk through my dukedom, and a paradise we will share. Yes, I. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wh Toujours à Mélomanes, au 99.1 et 88.9 CFNJ dans tout la Nodière et au-delà. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. On vient d'entendre Zing, When the Strings of My Heart, 1967, du groupe britannique The Move. Une reprise pour le groupe parce qu'en 1967, la chanson est déjà un vieux standard qui date de 1934, une pièce originalement composée pour une revue théâtrale sur Broadway, un genre de bye-bye du temps, si vous voulez. On dit même que Madame Judy Garland aurait ni plus ni moins commencé sa carrière en chantant cette chanson-là comme audition pour rentrer au studio d'MGM à Hollywood. C'est pas rien. Évidemment, vous vous en doutez, le groupe The Move la reprend dans une version plus doo-wop qui rappelle les années 50 dans le style des Coasters qu'il avait chanté aussi 10 ans plus tôt. Mais le doo-wop, qu'est-ce que ça mange en hiver, vous allez me dire? Mais croyez-le ou non, le nom lui-même vient des sons de bouche que les chanteurs faisaient en essayant d'imiter les instruments qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. Tout ça se passe juste un peu avant le rock and roll, quand des groupes américains majoritairement noirs se mettent à chanter sur le coin des rues. Bref, très bon style qu'on pourra approfondir un peu plus dans une prochaine émission. Donc sinon, on dit The Move. Eh bien, deux membres du groupe, Roy Wood et Jeff Lynne, vont fonder par la suite Electric Light Orchestra dans les années 70. Et c'est d'ailleurs ce qu'on écoute à l'instant. ELO pour les intimes avec Showdown sur CFNJ 99.1. We'll be right back. 89.1 et 88.9 CFNJ. Ce n'était pas le paradis ni l'enfer,

c'est pas bon ça. Vous êtes en compagnie de Mathieu Lajoie au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mélomane et on vient de déguster tout un plat, mes amis. 1967, Marie Laforêt avec Mon amour, mon ami. Avouez que vous l'avez dans la tête en ce moment. Marie Laforêt qu'on oublie souvent au profit de Françoise Hardy ou France Gall, par exemple, mais qu'on a ô combien tort de négliger. Son répertoire est bourré de petites trouvailles, comme on vient d'entendre, et ça vaut largement le détour. Mais juste avant, l'intemporel, la seule et unique, Il y avait un jardin du grand Georges Moustaki. C'est pas mêlant, je pense que le temps s'arrête quand cette chanson-là joue. Je vous annonce, mesdames et messieurs, qu'on a un 3-4 minutes d'avance sur tout le monde parce que le temps s'est arrêté l'espace d'un instant. Un peu comme un genre d'Imagine de John Lennon, un idéal auquel tout le monde aspire qui fait presque mal. Malheureusement, je trouve qu'on oublie trop souvent ce petit bijou de chanson. On enchaîne avec une escale latine pour ensuite avoir un pied au Brésil et au Québec en même temps. Je vous explique, mais tout d'abord 1964 avec Piel Canela ou La peau couleur cannelle d'Heidi Gourmet et Trio Los Panchos sur les ondes de CFNJ 99.1. Je rêve à Rio, devant ma radio. J'habite un petit haut, dans l'est de Rio. C'est pas chaud, chaud, chaud. Je me baigne en photo, dans mes petits journaux. Je vois des vedettes, qui payent pas leurs dettes. Pousser du fret avec la palette. Moi je mange mon spaghette. J'ai le cœur en mille miettes. Gros comme l'Israillette. C'est pas pour moi. Tout ça, tout ça. C'est pour les rois. Là-bas, là-bas. Je suis qu'un pauvre homme qui chôme, qui chôme. Au royaume du calcium. J'ai jamais été plus loin que mon laurier. Je me promène à pied. Je me suis pas marié. J'ai pas pu trouver. Je suis abandonné par ma destinée. Mon meilleur ami, c'est le gars de l'épicerie. Ma bière, mes biscuits. J'ai tout à crédit, sauf le vendredi. C'est pas rose la vie. Paye où on te saisit. C'est pas pour moi. Tout ça, tout ça. C'est pour les rois. Là-bas, là-bas. J'suis qu'un pauvre homme qui chôme, qui chôme. Au royaume du calcium. J'pouvais plus payer. Sont venus chercher mon set combiné. J'ai même pas broyé. J'peux encore rêver que je me fais griller. C'est une plage en papier, née abandonnée par ma destinée. Je mourrai damné, mais avant de creuser ma tombe classée, je voudrais déplacer mon soleil brisé, cassé. C'est pas pour moi. Tout ça, tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas. Je suis qu'un pauvre homme qui chôme, qui chôme. Au royaume du calcium. Oh non, c'est pas pour moi. Tout ça, tout ça, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme, au royaume du calcium. Oh non, c'est pas pour moi, Ipanema, c'est pour les rois. Là-bas, là-bas, je suis qu'un pauvre homme qui chôme, au royaume du calcium. CFNJ. Thank you. que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Retour à Mélomanes au 99.1 CFNJ. Et oui, vous l'avez reconnu, notre Robert Charlebois national. Et pourquoi le pied au Brésil? Ben, je vous le donne en mille, parce que je rêve à Rio s'inspire de la samba, un rythme brésilien complètement fou et très complexe. Il suffit d'écouter les cloches du refrain pour s'en rendre compte. Charlebois a toujours eu un penchant pour la musique latine en général. On a juste à penser à Concepcion ou Cartier ou encore des trucs un peu moins connus comme Punch Créole ou Antilles, sur le même album d'ailleurs que Je rêve à Rio en 1974. En passant, je ne sais pas si vous avez senti la différence entre le rythme de cha-cha de Piel Canela et celui de samba de Je rêve à Rio, mais c'est très différent. On a souvent tendance à tout mettre la musique latine dans le même paquet, mais le monde du rythme de l'Amérique du Sud est complètement fascinant. D'ailleurs, en passant, un symposium percutant, événement gratuit 30 août au centre-ville, organisé par Joémy Verdon. Si vous aimez les percussions, c'est le batteur de Martin Deschamps qui organise ça à 13h sur la place du marché au centre-ville de Joliette, ou en cas de pluie, au Sims Irish Pub au 467 rue Notre-Dame. C'est un événement qui aura très haut percussion en général, auquel je participerai moi-même avec mon ami percussionniste Pierre Rondeau. Ça va être instructif et participatif, donc à ne pas manquer si ça vous intéresse. C'est gratuit. Donc, dimanche prochain, 30 août, centre-ville de Joliette, 13h, le symposium percutant. Donc, on y reviendra aux percussions au Brésil et tout ça. Pourquoi pas un spécial sur le Brésil prochainement? Mais ce soir, je me suis dit que ça serait mieux d'y aller dans le varié pour montrer à quoi ça va ressembler à Mélomanes. Donc, on reste dans les années 70 avec la très planante I'm Not In Love du groupe anglais 10cc. D'ailleurs, anecdote en passant, ce qu'on croit être des synthétiseurs, vous écouterez dans la chanson, eh bien, c'est en fait plusieurs pistes de voix empilées les unes sur les autres qui nous donnent la puissance de pas moins de 256 voix. Écoutez, quand même toute une prouesse de studio pour le temps, et c'est ce qui donne en grande partie son cachet au succès de 1975. Mais tout d'abord, l'Américain Buzz Kaggs avec son Lowdown de 1976 à l'antenne de CFNJ 99.1. Believe it's all heaven sent. Hey boy, better bring a check around. To the sad, sad truth, the dirty law down. Taught her how to talk like that. Give that big idea. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn a maybe to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, son, better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty law down. Put those ideas in your head. I wonder, wonder, wonder, wonder. Have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Got you thinking like that, boy. Going through, and just because 89.1 et 88.9 CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ

penché comme un grand que gêné. Il fait du port. Ouais, j'ai vieilli, mon uniforme est devenu trop grand ou moins trop petit. Quand j'ai fini de faire ma ronde, je suis bien content. Mais ça c'est rien, il devrait le voir ben tard le soir. Il est plus grand que ça. Il y a des soirs ben tranquilles, on écoute la radio, on n'en vient pas. On est content d'être à l'abri, d'être ben au chaud. Dans le centre et le sud de la région, partiellement nuageux et 30 % de probabilité d'averse. Un minimum de 13. Jeudi s'annonce nuageux, risque d'averse le matin et tôt en après-midi, maximum de 22 degrés. Et ce sera ensoleillé pour vendredi, maximum confortable de 26. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, partiellement nuageux pour les prochaines heures avec des risques d'averse à 40 % minimum de 12 degrés. Jeudi aussi nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, surtout le matin, maximum de 20 et tout ensoleillé pour vendredi, maximum de 25. CFNJ. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont cœur est grand, grand, grand, grand comme le vent, et je suis douce comme l'eau, et je suis tendre, tendre, tendre, tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mes deux amants sont beaux comme les arbres fous, mes deux amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dam, dam, Mathieu Lajoie pour vous servir à l'antenne de CFNJ 99.1. On vient tout juste d'entendre le magnifique thème du film de 1971, Les Mâles de Gilles Carle, soit la très belle Le Temps est bon d'Isabelle Pierre. Isabelle Pierre qui est originaire de Rouyn-Noranda, une chanteuse qui a connu une carrière relativement courte mais très intense. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que les premières notes de cette chanson-là se font entendre, il y a comme quelque chose qui se passe, comme une charge émotive qui accompagne la pièce. Ça risque pas d'être la dernière fois qu'on la fait jouer à Méloman, tenez-vous-le pour dit, j'aime mieux vous prévenir. Sinon, juste avant, si on recule un peu, on est en 1975 avec les Bee Gees et leurs Nights on Broadway, suivi bien sûr de Diane Dufresne, qui avait de toute évidence besoin d'un chum à ce moment-là de sa vie. Et tout ça sur une boule disco qu'on sent pas très loin. Encore plein de belles musiques pour voix mélomane. Il faut que je continue si je veux avoir le temps de tout vous faire écouter. Donc deux titres de 1973 et un petit tour dans les années 60 juste après. On y va avec Nicole Croisi, mais juste avant le Big Bazar et Michel Fugain. Jusqu'à demain peut-être au 99.1 et 88.9 CFNJ. Approche-toi de moi, j'ai besoin de parler. Parler un peu de toi, de moi, jusqu'à demain peut-être, peut-être, peut-être. Ou bien jusqu'à la mort, peut-être, peut-être. Je ne sais pas encore, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le temps qu'il durera, oh, oh, hey, ah. Cet amour que nous vivons là. Jusqu'à demain peut-être, peut-être, peut-être. Ou bien jusqu'à la mort, peut-être, peut-être. Jusqu'à demain peut-être, peut-être. Ou bien jusqu'à la mort, peut-être, peut-être. On se jette dans l'amour comme

sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my shit, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Et 88.9 CFNJ. On vient d'entendre The Animals sur les ondes de CFNJ 99.1. Don't Let Me Be Misunderstood. Chanson originalement composée pour la grande Nina Simone, qui l'avait chantée un an seulement avant que The Animals décide d'en faire une version plus rock en 1965. Il y aura une version disco à tendance quasi flamenco aussi assez connue en 77 par Santa Esmeralda. Donc, une chanson qui a presque autant eu de vie qu'un chat, finalement. Ah, que voulez-vous quand une chanson est intemporelle? On reste dans les mêmes années. En fait, un an plus tard, en 1966, avec cette fois-ci un conte intemporel. On y va avec les Turtles et la joyeuse Eleanor de 68, mais juste avant, Sam the Sham and the Pharaohs, un groupe plus connu pour son succès Woolly Bully. Mais là, on va les laisser nous raconter l'histoire du petit chaperon rouge, mais du point de vue du loup. On écoute Little Red Riding Hood au 99.1. Oh! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girl should go walking in these spooky old woods alone. Just to see that you don't get chased, I think I ought to walk with you far away. What full lips you have, they're sure to lure someone bad. So until you get to Grandma's place, I think you ought to walk with me and be safe. I'm gonna keep my sheet suit on till I'm sure that been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Better to love you with, Little

Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Bien ficelé comme toujours de Paul McCartney, Another Day, toujours à CFNJ 99.1, une émission pour les fous de la musique, à Mélomanes. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Donc Another Day de Paul McCartney, une chanson de 1971 qui a bien failli se retrouver sur son album Ram, un de ses meilleurs albums que je vous conseille vivement d'ailleurs. Mais finalement, la chanson est devenue un 45 tours et n'est jamais apparue sur aucun album originellement. Bon, maintenant, avec les compilations, c'est une chanson beaucoup moins rare, mais au début, ce n'était qu'un single en 45 tours. Sir Paul aurait même commencé à travailler Another Day du temps de l'album Let It Be des Beatles. Donc, ça en est fallu de peu pour que ça devienne une chanson des Beatles et non de Paul McCartney solo. Sinon, juste avant, on a eu tout un périple de pop bonbon comme on l'aime. Tout ça commençait avec les Turtles, groupe Bubblegum par excellence, et ensuite Seasons in the Sun, seul hit pour le Canadien Terry Jacks en 1974. Ça aussi, ça projette en arrière. Un fait intéressant, Seasons in the Sun est en fait une chanson de nul autre que Jacques Brel en personne. Et oui, vous pourrez dire que vous l'avez appris à Mélomane, mes amis. Il s'agit en fait de la pièce Le Moribond de Brel, une chanson de 1961 qui a été reprise en anglais maintes et maintes fois. On en reparlera ultérieurement dans une autre émission de l'influence surprenante de Jacques Brel, que Jacques Brel a pu avoir sur certains artistes, pourquoi pas. Et ensuite, vous l'avez reconnu, Joe Dassin en 76 avec « Il était une fois nous deux ». On recule maintenant de 22 ans, soit en 1954, avec quelqu'un que j'ai presque l'impression de connaître parce que, comme plusieurs d'entre vous sûrement, j'ai beaucoup écouté ses films avec Jerry Lewis. Étant jeune, j'ai nommé le très suave Dean Martin et Sway au 99.1 CFNJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Dans cette ville, la joie qu'il y avait avant. Tant, tant, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Tant, tant, je m'en vais seule au long des routes retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé dans cette ville. J'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais pourtant c'est en vain. Tu sais, tant, tant, comment s'aimer, oh oui. Tant, tant, je m'en souviens, oh oui. Tant, tant, qui a tracé depuis dans le temps. Tant, tant, dans ce quartier où l'on ne vit que la nuit, il y a comme un vent. Tant, tant, autant de vie, de lumière et de bruit, on y venait souvent. Tant, tant, au club où l'on allait danser, j'ai traîné mon ennui. Quand le barman m'a vu entrer toute seule, il a compris ma grande peine. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il a compris, il a mis l'air que l'on peut donner. Tu sais, tant, tant, quand on s'aimait, oh oui, tant, tant, cette ville. Rien n'a changé, mais pourtant tu vas marcher dans les rues, mais rien n'est comme avant. Tu sais, quand on s'aimait, oh oui, tu t'en souviens, oh oui, dans le temps qui a passé depuis, au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I will follow him. Follow him wherever he may go. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away, away from my love. I love him, I love him, I love him, and where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow. He'll always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever, I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can't keep me away, away from my love. And where he goes, I follow, I follow, I follow. I know I'll always love him, I love him, I love him. And where he goes, he went away, and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back, and you're gonna be in trouble. Hey la, hey la, my boyfriend's back. When you see him coming, better cut out on the double. Hey la, hey la, my boyfriend's back. You've been spreading lies that I was untrue. Look out now, cause he's coming after you. Hey la, my boyfriend's back. Hey, he knows that you've been trying, and he knows that you've been lying. He's been gone for such a long time. Hey la, my boyfriend's back. Now he's back and things will be fine. Sorry you were ever born. Hey la, hey la, my boyfriend's back. Cause it's kind of big and he's awful strong. Hey la, hey la, my boyfriend's back. Hey, he knows I wasn't cheating. Now you're gonna get a beating. What made you think he'd believe all your lies? Wow, wow, wow. You're a big man. My boyfriend's back, he's gonna save my reputation. Hey la, hey la. were you, I'd take a permanent vacation. Reputation. Hey la, hey la, my boyfriend's back. La, my boyfriend's back. Oh, look out now. My boyfriend's back. Boy. Well, I can see you coming, so you better get up running all right now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, my boyfriend's back. Et Méloman à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9 dans tout l'Anaudière et au-delà. Et quand je dis au-delà, c'est pas peu dire, parce que je viens de lire qu'il y aurait quelqu'un même de la Colombie-Britannique qui écouterait en ce moment, donc grâce à la magie d'Internet. Donc on les salue. On vient d'avoir droit à un triplé féminin des années 60. Écoutez le cachet. Écoutez le cachet incroyable que ces chansons-là ont. Parce qu'à Méloman, on va avoir pour mandat de découvrir des trucs qu'on connaît moins, oui, mais on va aussi réécouter des pièces qu'on connaît peut-être déjà, mais qu'on va essayer d'écouter avec de nouvelles oreilles, comme si on les avait jamais entendues avant ou presque. C'est souvent là qu'on comprend à quel point on prend certaines chansons pour acquis et à quel point méritent encore toute notre attention. Donc, c'était deux grands succès de 1963 avec The Angels et My Boyfriend's Back et I Will Follow Him de Little Peggy March, qui est enfin une reprise d'une chanson francophone, Chariot, popularisée l'année d'avant par la Britannique Petula Clark, que nous, on a entendu ici avec une reprise francophone d'une de ses propres chansons en 65, soit Dans le temps, ou originalement, bien sûr, Downtown. Rappelons que Petula Clark, c'est au-dessus de 68 millions de disques vendus en carrière, imaginez, chantés en anglais, en français, en allemand, en italien et en espagnol. C'est pour ça qu'on peut s'y perdre facilement. Non, mais quand même, imaginez toute une carrière internationale, un petit peu à l'instar d'une carrière comme celle de Nana Mouskouri, par exemple. C'est vraiment mondial, on n'a pas idée des fois. À suivre, deux succès de l'an de grâce 1961, mais tout d'abord celui qui les a influencés tous, 1957, Buddy Holly and the Crickets avec Peggy Sue sur les ondes de CFNJ 99.1. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy. My Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you.

c'est comme ça qu'on s'ennuie. 99.1 et 88.9 CFNJ. CFNJ 99.1, un homme et une femme du compositeur Francis Lai, c'est ce qu'on vient d'entendre. Un air qu'on connaît tous, composé pour le film du même nom du réalisateur français Claude Lelouch en 1966. Et voyez-vous, mine de rien, ça fait deux fois qu'on entend Nicole Croisé ce soir, puisque c'est elle qui est, elle et Pierre Barou qui assurent la partie vocale de la version originale qu'on vient d'écouter. Juste avant, le doublé 1961 avec Walk Right Back des Everly Brothers, dont les harmonies vocales ont engendré des légions de groupes, pour ensuite aller vers Dick Rivers et les Chats Sauvages avec C'est pas sérieux, reprise de la chanson anglophone Theme for a Dream. Mais, selon moi, les Chats Sauvages font la meilleure version. J'ai mis C'est pas sérieux juste avant Un homme et une femme parce que je trouve qu'il y a quelque chose de similaire dans les mélodies. Allez savoir. On reste dans la musique de film. Vous vous souvenez des Western Spaghetti, sans doute, de Sergio Leone? Si oui, vous vous rappelez certainement des magnifiques thèmes de son acolyte de toujours, Ennio Morricone. En voici un peu plus rare, tiré du film, d'un film avec Terence Hill, Il mio nome è nessuno, ou plutôt Mon nom est personne, 1973 sur les ondes de CFNJ 99.1.

wife. Et 88.9 CFNJ. Oui, toujours à Mélomane au 99.1 CFNJ, si mes calculs sont exacts. On n'est pas loin de l'heure où on se dirige vers le lit pour certains d'entre vous. On va donc se permettre de relaxer un peu avec des pièces plus douces, plus langoureuses, comme ça, en fin d'émission à Mélomane. Plus douces, plus langoureuses, mais attention, pas moins bonnes pour autant. Comme Sean Phillips, qu'on vient d'entendre avec The Ballad of Casey Dice, tiré de son album Second Contribution 1971, un de ses plus grands succès. Sean Phillips, véritable énigme de la musique des années 70, qui va faire une prestation, croyez-le ou non, à la chapelle de Sainte-Marceline de Kildare. Ça se passe les 17 et 20 septembre prochains, mais je veux pas vous faire de fausse joie, je pense que tous les billets sont déjà vendus. Et loin de moi l'idée de faire mon agace, mais moi j'ai les miens, donc je vous dirai comment c'était et on reparlera de Sean Phillips qui a une carrière super intéressante et plein d'albums à son actif, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup pensent que Second Contribution est son seul album. Donc sinon, juste avant, on a entendu le groupe de rock progressif anglais Genesis, ou plutôt son guitariste Steve Hackett, nous interpréter une très belle pièce instrumentale et acoustique toute courte qui s'appelle Horizons, tirée de leur album Foxtrot de 1972. Et sinon, Cat Stevens, maintenant Youssouf, deux ans plus tôt avec Hard-Headed Woman. On y va maintenant d'un classique de la musique instrumentale des années 60, une pièce composée originalement par les Shadows, mais la version qu'on a connue en Amérique, du moins aux États-Unis et au Canada, c'est celle du Danois Jørgen Ingmann de 1961. Apache au CFNJ 99.1. Thank you.

robe plus. Partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Thank you.

retour à Mélomanes, à CFNJ 99.1 et 88.9. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit, en fait jusque dans 5 minutes. On vient d'entendre Blue Bayou de Roy Orbison, 1963. Et en fait, tout un bloc avant Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, 72. Santana, Samba Patti, Richie Valens, We Belong Together, Fabien Thibault, Les Uns Contre Les Autres, 78. Écoutez, c'est déjà tout pour cette première édition de Mélomanes. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi j'en ai eu. Imaginez, on n'a même pas eu le temps de faire un tour d'horizon complet. Il y a encore plein de belles musiques qui nous attend. C'est un rendez-vous. Je vous attends les mercredis à partir de 21h. Mélomanes sur les ondes de CFNJ 99.1. Une bonne semaine et une bonne nuit à vous.